les rues s'allument sous la neige qui descend. Chaque flocon murmure un secret du temps. Je marche doucement dans le froid de la ville. La nuit de décembre devient presque fragile. Et tout s'apaise dans l'air glacé, comme si le monde voulait rêver. La nuit des étoiles blanches illumine nos silences, déploie ses ailes. Le cœur du vent d'hiver, il porte nos rêves vers la lumière. Si l'espoir se perd parfois, les étoiles veillent pour toi.